Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et c'est le moment que vous attendez tous. On va découvrir aujourd'hui Bruni Pagan et son titre Follow Me, paru en 1982. La chanteuse, elle a sorti qu'un seul album durant sa carrière. C'est pas trop foulé quand même. Et l'album est sorti en 79 qui s'appelle Just Bruni. Elle fera apparaître quelques CD suite à ça jusqu'en 1984 et puis plus rien, le néant. Elle va décéder en avril 2020. C'est parti. It's up to you if you really want to score. You qu'il est temps de s'intéresser aux sons hits qui ont fait le disco. Michael Zager est un pianiste et arrangeur qui démarre sa carrière disco en 1975. Il produit entre autres The Spinner et Andera True. Mais le monde le connaît pour son hit Let's All Champ, vendu à 5 millions d'exemplaires. En 1978, Jerry Love, un producteur, suggère à Michael de composer un morceau autour d'un chant festif, souvent entonné dans les clubs de le fameux Oh, oh, je le fais mal, hein, mais bon. Zager suit le conseil et il va composer un morceau en deux parties. Sur la première partie, il va utiliser un beat disco ponctué de claps de main. Il y rajoute une ligne de basse et des voix chantant en boucle. Voilà. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas toujours ça. La seconde partie a un son plus de synthétiseur et on y entonne le refrain Your body, my body, everybody's work your body. Pour en faire un morceau vraiment particulier, il décide d'y rajouter un passage baroque où vont se succéder des parties de clarinette, de trompette et de clavecin. Ça va donner un caractère festif et funky au morceau. Et le succès sera bien sûr au rendez-vous. Comme quoi, les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Pour l'instant français, on va passer Dalida, car ça fait aussi longtemps qu'elle n'est pas passée dans notre émission. Alors j'ai longuement hésité entre Génération 78 et Gigi in Paradisco. Et c'est finalement cette dernière chanson que nous allons écouter. Au fait de sa gloire, Dalida enregistre à la sauce disco une suite à son succès mondial de 1974, Gigi l'Amoroso. La chanson, elle va raconter la fin et le destin tragique de Gigi. Elle est construite en deux temps. La chanteuse, va raconter l'histoire sur un tempo lent et la chante ensuite sur un tempo disco. Le single se vendra correctement, mais sans pour autant réitérer le succès de Gigi Lamoroso. Sur scène, Dalida, elle va clôturer, et ce jusqu'à son dernier récital donné en avril 1987 à Antalya en Turquie, ses spectacles avec cette chanson. Dr Biscou et Mr Funk sur Fadjet. On arrive au maxi et j'ai très très envie d'écouter Sharon Reed et son titre You Got My Love. Il est paru en 1981 et il va être extrait de son album paru un an plus tôt et qui s'appelle tout simplement Sharon Reed. Cet album, c'est un peu une répétition sur ce qui va constituer sa légende, à savoir le titre Never Give You Up. Mais ça, c'est une autre histoire. You got my love. La fin, c'est pour bientôt, mais avant, il y a la pépite. Ah, la fin de l'émission, bien sûr, hein, pas la fin de ce que vous voulez. On va écouter Terence Trent D'Arby et son Dance Little Sister, extrait de l'album Introducing the Hardline to Terence Trent D'Arby, tout un titre, paru en 1988. Cela sera le quatrième extrait. C'est un style bien funk et bien entraînant, comme vous allez vous en rendre compte. C'était en 1988 et ça donnait ça. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Bon, et bien voilà, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye!